Les petits portraits. Il faut que je vous parle d'Angela, la créatrice d'Emoji. Cette histoire se passe aux États-Unis. C'est là que vit Angela Guzman. Angela est née en Colombie, mais à 8 ans, ses parents déménagent aux États-Unis, en Floride. À l'école, Angela est perdue car elle ne comprend pas l'anglais. Alors elle dessine pour se faire comprendre de ses professeurs et de ses camarades. La communication visuelle devient sa passion et elle intègre une école de design. En 2008, Angela rentre en stage chez Apple. Sa mission ? Aider Raymond Sepulveda à créer les premiers emojis pour iPhone. Un émo quoi ? À l'époque, il n'y a que les Japonais qui connaissent ce mot, qui dans leur langue signifie « et », image, moji, lettre. Son tout premier emoji a été la bague de fiançailles. Il lui a fallu 3 jours entiers pour la terminer. En 3 mois, Angela et Raymond vont créer 500 emojis. Aujourd'hui, il y en a presque 3000. Ils sont utilisés dans le monde entier et permettent à des gens qui ne parlent pas la même langue de communiquer. Ça donne envie d'en imaginer d'autres, non ? Il faut que je vous parle de Christine, la chef malvoyante. Cette histoire se passe à Houston, aux États-Unis. C'est là que vit Christine Ha. Lorsqu'elle entre à l'université, Christine se met à cuisiner. Mais rapidement, sa vue se dégrade. En 2007, elle ne distingue plus que les ombres et les couleurs vives. Un peu comme dans un miroir plein de buée après une douche chaude. Malgré tout, Christine s'adapte et continue de cuisiner. Elle travaille de mémoire, touche, sent et goûte les aliments, encore plus que les autres chefs. Elle se sert d'un thermomètre et d'une balance parlante, et ses robinets sont à commande vocale. Dans sa cuisine, tout est parfaitement rangé, avec des étiquettes en braille. En 2010, elle ouvre son blog de cuisine, The Blind Cook, la chef aveugle. C'est grâce à lui que l'émission américaine MasterChef la repère en 2012. Christine est la première candidate malvoyante, et c'est elle qui a gagné. Depuis sa victoire, elle a publié des livres, animé une émission culinaire spécialement conçue pour les personnes malvoyantes et malentendantes. Elle a même été jurée dans plusieurs compétitions culinaires. En 2018, elle a ouvert son premier restaurant à Houston. Ça donne envie d'aller goûter ses plats, non ? Il faut que je vous parle de Rousteau, le bâtisseur de cathédrales. Cette histoire se passe à Mejorada del Campo, en Espagne. C'est là que vit Rousteau Gallego Martínez. À 27 ans, il décide de devenir moine et part dans un monastère. Mais quelques jours après son arrivée, il attrape la tuberculose et doit partir pour être soigné. 8 ans plus tard, en 1961, pour remercier Dieu d'être toujours en vie, Rousteau décide de construire une cathédrale tout seul, alors qu'il n'est ni architecte ni maçon, et sans aucun plan. Il s'inspire seulement de ce qu'il voit dans les livres. Tous les jours, sauf le dimanche, il travaille sans relâche. À l'époque, tout le monde se moquait de lui. Aujourd'hui, Rousteau a 94 ans. Sa cathédrale mesure 50 mètres de long, sur 30 mètres de large, avec un dôme qui s'élève à 35 mètres de haut. Elle est entièrement construite avec des objets récupérés à droite à gauche. Les colonnes sont par exemple de simples bidons remplis de béton, et les vitraux composés de minuscules morceaux de verre. La cathédrale est loin d'être terminée, mais pour Rousteau, ce n'est pas grave. Il a consacré sa vie à Dieu comme il le souhaitait. Ça donne envie d'aller la visiter, non ? Il faut que je vous parle de Willy, le dernier marieur d'Irlande. Cette histoire se passe à Lisdoonvarna, un petit village d'Irlande. C'est là que vit Willy Daly. C'est une légende. On dit que c'est le dernier marieur d'Irlande, le dernier homme qui aide les gens à trouver l'amour. Dans la campagne irlandaise, ce métier traditionnel était indispensable. Comme les habitants sont isolés et qu'il y avait plus d'hommes que de femmes, c'était pas évident de trouver chaussure à son pied. Dans la famille de Willy, on est marieur depuis 3 générations. Son père et son grand-père lui ont transmis leur technique et l'ont aidé à développer son intuition et sa compréhension de la nature humaine. Il a également hérité du Lucky Love Book, un énorme cahier vieux de 160 ans. Tous les noms des couples que les Daly ont aidés y sont répertoriés. On raconte qu'il est magique. Si vous le touchez avec une main en fermant les yeux pendant 7 secondes en pensant à l'amour, vous tomberez amoureux dans les 6 mois. Si vous posez 2 mains dessus, vous serez marié dans les 6 mois. Malgré l'arrivée d'Internet, beaucoup de gens continuent de lui demander de l'aide. Depuis 50 ans, Willy a marié plus de 3000 personnes. Aujourd'hui, il continue d'exercer son métier aux côtés de sa fille Elsa, qui est bien décidée à reprendre le flambeau. Ça donne envie d'aller le rencontrer, non ? Les petits portraits.